Vie de Samuel Belet par Charles Ferdinand Ramu. Enregistré par Christiane Johan. Première partie, chapitre 1. Je m'appelle Jean-Louis Samuel Belet, né à Pras-dessus le 24 juillet 1840, d'Urbain Belet, agriculteur, et de Jenny Gautret, sa femme, comme on peut voir sur mes papiers. Je n'avais que 10 ans quand mon père mourut. 5 ans après, ce fut le tour de ma mère. J'allais entrer dans ma 15e année. Un matin que j'étais à l'école, on heurte à la porte. Le régent va ouvrir. Il me dit « Samuel, il te faut rentrer chez toi ». Il avait un air tout drôle. Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je ne sais pas. C'est Madame Blanc qui vient te chercher. » Madame Blanc était une de nos voisines. Elle m'attendait dans le corridor. Je la regarde et à elle aussi, je lui trouve un air tout drôle. Je me mets à avoir peur. Je demande de nouveau « Madame Blanc, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais elle avait déjà pris les devants et marchait à grands pas sans se retourner. N'est-ce pas? Je n'étais déjà plus un tout petit garçon, et puis la peine que nous avions à vivre, ma mère et moi, m'avait rendu raisonnable avant l'âge. Je me mets à courir, je la rattrape, je lui dis « Je suis sûr que c'est un malheur ». Et comme elle continuait à ne pas répondre, tout à coup je comprends, je pense « C'est maman ». Alors, sans plus m'inquiéter d'elle, je prends mes jambes à mon cou. Notre maison était à l'autre bout du village. La première chose que je vois devant la maison, c'est la voiture du médecin. Une petite voiture à 2 roues, peinte en jaune. Le maréchal, avec son tablier de cuir et ses manches de chemise retroussées jusqu'à l'épaule, tenait le cheval par la bride parce que le cheval était un peu nerveux. En m'apercevant, il baissa la tête. Il y avait bien là 5 ou 6 personnes, outre lui. Tout le monde se tait brusquement. Ceux qui se tenaient devant la porte s'écartent. Je courais toujours. Personne n'a eu l'idée de m'arrêter au passage. J'entre comme un fou. Je trouve maman couchée sur son lit. Elle n'était pas déshabillée, mais son corsage était tout dégrafé. À côté d'elle se tenait le médecin et 2 femmes qui, tous 3, se penchaient sur elle. Le médecin avait à la main une serviette mouillée avec laquelle il lui frottait les tempes, puis il se mit à lui frapper la figure avec le coin de la serviette. Maman alors ouvrit les yeux et poussa un grand soupir, sur quoi de nouveau elle se raidit. Elle avait le bout du nez tout blanc et les lèvres bleues. Je me souviens aussi de ses cheveux, parce qu'ils étaient bien lissés d'ordinaire, et à présent ils traînaient en désordre sur le traversin. Elle avait donc ouvert les yeux, mais déjà elle les avait refermés. Elle n'avait pas même eu l'air de me reconnaître, et moi je restais là, debout, au pied du lit. Et moi non plus, je n'avais rien dit. Il m'avait fallu un moment pour mettre en ordre mes idées, mais voilà tout à coup que maman se renverse en arrière, saisit des 2 mains le coin du coussin, s'y cramponne. En même temps, il se fait un bruit dans sa gorge, comme quand un bassin de fontaine se vide. Moi, je m'étais mise à pleurer. Le médecin se retourne et dit « Qu'est-ce qu'il fait là, ce gamin ?» Il m'empoigne par un bras, une des femmes par l'autre. Ils m'ont fait sortir. Je n'ai plus rien su. Sauf que dans l'après-midi, maman était morte, et 2 jours après, on l'enterrait. Comme on revenait du cimetière, mon oncle, c'était un frère de mon père, il s'appelait Julien Belet. La cuisine était pleine de gens en train de boire et de manger. Mon oncle s'approcha de moi et me dit « Il te faut venir derrière la grange ». C'était pour que nous fussions seuls. On va derrière la grange. Il était grand, mais sec, avec une grosse moustache. Il avait un de ses habits comme on en portait dans le temps, c'est-à-dire avec un collet qui lui montait jusqu'aux oreilles, serré sous les bras, puis tombant en plis comme une jupe autour des reins. Il se tenait un peu penché pour me parler. Moi, au contraire, j'étais obligée de lever la tête. Une vieille herse était dressée contre le mur, les dents en avant. Il m'avait posé la main sur l'épaule. Il me dit « Écoute bien, Samuel ». Mais moi, tout de suite, j'avais recommencé de pleurer. Depuis 2 jours, je n'avais pas cessé de pleurer, sauf dans les moments où j'étais distrait. C'était comme si j'avais eu 2 grosses poches d'eau derrière les yeux. Mais lui, il me regarda d'un air sévère. « À quoi est-ce que ça te sert » dit-il. Et comme tout honteux, je ravalais mes larmes. « Veux-tu me le dire ?» Je me taisais toujours. « Tu entends, je veux que tu me répondes. Tu es assez grand garçon pour te bien tenir. » Il recommence. « Réponds-tu ? » Je fais un effort entre 2 sanglots. « À rien. »« Tu vois, » me dit-il, « quand on veut, on peut. À présent, on a à causer. Est-ce que tu m'écoutes ?» Je fais signe que oui. « Eh bien, il faut que tu saches que c'est moi qui suis chargé de mettre en ordre tes affaires et qu'elles ne sont pas dans l'état qu'il faudrait. » Il y a les champs et la maison, mais ta mère devait dessus. Avec la somme qu'on en retirera, ce sera tout juste s'il y aura de quoi rembourser les hypothèques. Heureusement que tu es en âge de gagner ta vie, sans quoi tu tomberais à la charge de ta famille, et quand on est fier, On n'aime pas ça. » Il me dit. « Est-ce vrai ?» Je hochai de nouveau la tête. « Il te faudra aller en place. Alors voilà, j'ai réfléchi. J'ai été en parler à quelqu'un chez qui tu serais très bien, Monsieur Barbat, de Vernamin. Il m'a dit qu'il consentait à te recevoir, à condition que tu travailles et que tu ne fasses pas la mauvaise tête. Je lui ai dit, il ne manquerait plus que ça. » Mon oncle n'avait même pas pensé à me demander si sa proposition me convenait. La chose, comme il disait, avait été réglée. Et c'était tant mieux, parce que je n'aurais pas su que lui répondre. Refuser, je n'aurais pas osé. Mentir, je n'aurais pas pu. Mais il venait d'entrer dans mon chagrin un nouveau chagrin. Je ne pleurais plus maintenant. Je crus que j'allais étouffer. Il faut que je vous dise que j'avais toujours été le premier à l'école, et ce n'était pas tant mon goût de travailler à la campagne. J'aimais à lire dans les livres, à écrire, à compter, et maman, en me voyant faire mes devoirs le soir, sur la table de la cuisine, pendant qu'elle lavait la vaisselle et rangeait les assiettes sur le râtelier, maman, elle était toute heureuse, parce qu'elle pensait « il ira plus loin que nous, ce garçon ». Moi, de mon côté, je m'étais fait à cette idée. Je me voyais, moi aussi, aller loin. Où c'était et où ça me mènerait, je ne le savais pas au juste, mais il y avait devant moi comme un long chemin qui montait. Tout à coup, alors, survenait mon oncle. Il n'y avait plus de chemin du tout. Il me vit baisser les yeux, mais sans doute pensa-t-il que cela voulait dire que j'étais d'accord avec lui. Il eut l'air tout content. « Allons, tu vois bien, ça n'est pas terrible. Tu peux encore t'estimer heureux d'avoir quelqu'un qui s'occupe de toi. S'il reste de l'argent, une fois les dettes payées, on le placera en ton nom, à la caisse d'épargne. Tu le trouveras quand tu seras majeur. » Il sortit une pipe de sa poche. Il la bourra soigneusement. Il me dit « Il nous faut rentrer. » Les gens, justement, s'en allaient. Ils ne faisaient pas attention à moi. Les hommes serraient la main de mon oncle. Les femmes embrassaient ma tante. Vers 5 heures, mon oncle partit à son tour, à cause qu'il avait ses bêtes à soigner. Et ma tante prépara un petit repas de rien du tout pour nous deux. Il y eut du fromage et des pommes de terre bouillies. Ensuite, elle m'aida à faire un paquet de mon linge et de mes habits, afin que tout fût prêt le lendemain matin. Le paquet ne prit pas beaucoup de temps à faire, parce qu'il n'était pas bien gros.